soyez tous parés à affronter de multiples dangers. Tous les bandits et tous les méchants se sont réunis pour vous botter l'océan. Décidés à jamais à tous nous protéger, les bitomans seront alors très vite réfrénés. La foule des secrets, des forces obscures de l'enfer, convaincus de pouvoir nous voler la terre. Bitomane, ne nous laissez pas tomber, agissez pour notre liberté. Bitomane, unissez vos talents, décalquez ces immondes truands. Soyez nos héros, oh oh oh, battez les oiseaux, oh oh oh, qui veulent notre peau, oh oh oh, nous rompons les os, oh oh oh. Même assaillis de tous les côtés, les bitomanes pourront résister aux attaques perverses et diaboliques des sbires du chaos les plus sataniques. Destinés par le sort à s'opposer à la mort, obligés pour notre bien à être toujours les plus forts, à combattre la pure des racailles de l'univers, venus là probablement nous jouer la terre. Bitomane, il faut vous transmuter, les gangsters se sont manifestés. Bitomane, le combat est proche, éclatez la boîte de ses cloches. Soyez nos héros, oh oh oh, battez les oiseaux, oh oh oh, qui veulent notre peau, oh oh oh, nous manger le cerveau, oh oh oh. Ultime combat entre le bien et le mal, les brigands nous pompent l'énergie vitale. Bitomane, ne les laissez pas faire, détruisez ces couards et leurs cerbères. Verdict fatal du combat pour l'idéal, les bitomanes vainqueurs au moment le plus crucial. On repousse ses lignobles, l'arax et ses acolytes, atteignant par ce fait le rang de mythe. Bitomane, oh oh oh, bitomane, oh oh oh, bitomane, oh oh oh, bitomane. Bitomane, vous nous avez sauvés, comment pourrions-nous vous remercier? Bitomane, si le mal revenait, par pitié soyez à nos côtés. Soyez nos héros, oh oh oh, battez les oiseaux, oh oh oh, qui veulent notre peau, oh oh oh, nous rompons les os, oh oh oh.